Le lendemain du soir où Aram avait remis à Walter Lester la confession que nous venons de reproduire, était le jour fixé pour l'exécution. Lorsqu'on entra dans le cachot du prisonnier, on le trouva étendu sur son lit. On s'approcha pour lui enlever ses fers, et on remarqua qu'il était complètement inerte et ne répondait pas à l'appel de son nom. On essaya de le relever, il murmura quelques mots d'une voix mourante. On vit alors qu'il était inondé de sang. Il s'était ouvert les veines du bras en deux endroits, au moyen d'un instrument aigu qu'il était parvenu à cacher depuis quelque temps. Un chirurgien fut mandé en toute hâte, il employa les procédés usités en pareil cas, et réussit aussi à rendre une sorte de vie au blessé. On était résolu à ne point priver la loi de sa victime, et on l'emporta inconscient, selon toute apparence, de ce qui se passait autour de lui au lieu de l'exécution. Mais lorsqu'on fut arrivé à cet endroit terrible, il parut revenir soudain à lui-même. Il jeta un regard rapide sur la foule qui ondulait et murmurait au-dessous de lui. Une faible rougeur s'étendit sur ses joues. Il releva les yeux d'un air impatienté. Il respira d'une manière pénible et convulsive. Les funèbres préparatifs étaient terminés. Le prisonnier eut un mouvement en arrière. Était-ce un mouvement d'effroi? Il fit signe au clergyman d'approcher, comme s'il avait quelque confidence à lui faire. Le ministre obéit, baissa la tête, et ce fut alors une interruption terrible. Aram semblait chercher péniblement les mots, et les prononçait avec effort, quand soudain sa tête se redressa d'un air triomphant, dont toute sa physionomie parut illuminée. En même temps que se dessinait ce fier sourire, le dernier souffle s'envola sur ses lèvres hautaines, et la suprême infamie qu'inflige la loi fut accomplie sur un cadavre. Parfois, à la fin d'un jour sombre, le soleil qui ne s'était laissé qu'entrevoir à travers le brouillard perce tout à coup ce rideau et répand comme un sourire sur le paysage. Alors, sous vos yeux, qui pendant les nuages et la tristesse du jour n'avaient cherché que les traits principaux, les plus saillants du panorama, vos yeux, qui avaient été arrêtés par quelques collines baignées de gris ou quelques clochers aigus, se dessinent les détails les moins frappants mais qui n'en ont pas moins de charme. C'est à ces derniers, plutôt qu'au reste de la nature, que le soleil donne ses teintes les plus douces et les plus riches. C'est ainsi qu'il laisse en notre esprit comme un sentiment de reconnaissance et nous console de l'aspect si funèbre et mélancolique du jour par cette lumière du crépuscule prochain qu'ils reçoivent et dispersent en tous sens. Il en est de même dans le présent récit. Il ne se poursuit pas, il ne s'achève pas dans les scènes de trouble et de chagrin. À mesure qu'il avance, il reçoit déjà quelques faibles rayons. Quelques années après le dernier événement que nous avons raconté, et par une belle journée du charmant mois de mai, un cavalier parcourait la rue longue et tortueuse qui forme le village de Grassdale. C'était déjà un homme fait, quoiqu'il fût encore dans toute la fleur de la jeunesse, car il n'avait encore que 28 ans. Il avait dans la physionomie cet air sérieux et ferme qui annonce qu'on a vu le monde et qu'on l'a vu beaucoup. Son œil vif, mais calme, ses traits réguliers et agréables, malgré le hâle qui les couvrait, avaient quelque peu perdu leur rondeur, soit par suite des fatigues ou de la réflexion, ou des soucis. Les joues s'étaient légèrement creusées. Les traits, assez fortement dessinés, avaient une expression grave, parfois mélancolique, mais douce. En ce moment, comme son cheval parcourait lentement une ruelle verdoyante, qui à chaque instant ouvrait une nouvelle perspective sur de riches et fertiles vallées, sur la rivière scintillante, sur quelques vergers où achevaient de mûrir les parfums du printemps, son visage perdit l'expression calme qui lui était habituelle et montra qu'alors des souvenirs s'étaient vivement réveillés et agités en lui. Le costume du cavalier n'était pas celui du pays, et à cette époque où les professions avaient chacune son uniforme, ce costume était d'un caractère assez marqué pour faire reconnaître en lui un homme voué à l'état militaire. Et ce costume lui allait certes fort bien, grâce à une courte moustache noire. Il laissait deviner une poitrine puissante et musculeuse. Les membres étaient longs, et ces deux dernières qualités étaient fort appréciées à la cour du grand Frédéric, au service duquel il s'était engagé. Il avait commencé sa carrière à la bataille qui avait eu pour issue la défaite complète de l'audacieux Down, alors que la fortune de ce vaillant général pâlissait déjà devant l'étoile du plus grand des rois modernes. La paix de 1763 avait laissé la Russie jouir tranquillement de ce que la guerre lui avait donné, et le jeune Anglais avait profité des loisirs que cette situation lui procurait pour voir le reste de l'Europe, non en soldat, mais en voyageur. Les aventures et les distractions des voyages lui plaisaient, si bien qu'il se demandait à ce moment même s'il ferait en Angleterre un long séjour ou s'il l'abrégerait. Il y avait moins d'une semaine qu'il était arrivé, et il s'était rendu en toute hâte dans cette partie de son pays natal. Il ralentit l'allure de son cheval, dès qu'il eut vu se balancer l'enseigne qui annonçait l'auberge hospitalière tenue par Peter Daltrey. Sous l'ombre protectrice d'un arbre élevé, dont les bourgeons s'étaient épanouis en feuilles du vert le plus tendre, était assis un voyageur à pied qui jouissait de la tranquillité et de la fraîcheur de cet abri. Notre cavalier jeta un regard sur la porte ouverte qui permettait de voir toute l'activité d'un ménage. Des femmes allaient, venaient et disparaissaient. Bientôt il vit l'aubergiste lui-même, le vieux Peter, sortir à petits pas et engager la conversation avec le voyageur installé sous l'arbre. Peter Daltrey n'avait guère changé depuis que le jeune homme l'avait vu pour la dernière fois. Il était un de ceux qui ne changent guère. En prenant de l'âge, il avait peut-être perdu un peu de sa hauteur et de sa grosseur, comme si le temps aimait mieux user peu à peu notre individu que d'en détacher par violence des fragments. Le cavalier passa quelques instants à contempler ce tableau, mais voyant que Peter lui rendait ses regards, il détourna la tête, et mettant son cheval au trot, il ne tarda pas à être à bonne distance du chien pommelé. Cette fois, il arrivait dans le voisinage d'une autre vieille connaissance de ses jeunes années, un caporal qui avait pris sa retraite à la campagne. Il revit le vieux soldat appuyé à la barrière qui servait d'enclos à son cottage, une béquille sous un bras, sa pipe favorite au coin des lèvres toujours malicieuse. C'était bien le caporal, en personne. Perché sur les traverses de la barrière, dans un demi-sommeil, les oreilles ramenées contre la tête, les yeux fermés, se voyait un chat. Pauvre Jacqueline, non, ce n'était plus Jacqueline. La mort n'épargne ni les rois ni les chats, mais tes vertus étaient passées dans ton petit-fils. Et comme l'âge mène au radotage, ton petit-fils était aimé plus que toi-même du digne caporal. Puisse ta race, ô Jacqueline, durer longtemps. À cette heure, elle n'est point encore éteinte. La nature frappe rarement de stérilité l'âge en féline. Elle l'a fait essentiellement pour l'amour, et pour les doux soucis de l'amour, et la dynastie du chat dépasse en durée une dynastie impériale. Au bruit des fers à cheval, le caporal tourna la tête, regarda longuement et attentivement le cavalier qui ralentissait son allure, et mettant son cheval au pas, s'approchait de la barrière. « Grand Dieu !» murmura le caporal. « Pour un bel homme, voilà un bel homme. Il est de ma taille ou peu s'en faut. » Un sourire, mais un sourire languissant, parut sur les lèvres du cavalier pendant qu'il considérait le digne caporal. « Il me l'orne de près, » se dit celui-ci. « Cependant, il n'a pas l'air de me reconnaître. Il faut que j'aie dit autrement changé. C'est bien heureux, après tout. Je suis maintenant bien aise d'aller devenir sans me faire remarquer. » Le cavalier tomba dans une rêverie profonde, qu'interrompit enfin le murmure du ruisselet ensoleillé qui, en heureux enfant gâté de la nature, s'escrimait contre le moindre des obstacles qu'il rencontrait en son chemin. Ce murmure résonnait aux oreilles du voyageur comme une voix familière depuis l'enfance à son oreille. Que cette voix était douce et chère. Nul air de musique, aucune de ces mélodies qui vont à jamais, n'avait évoqué en lui un torrent de souvenirs aussi nombreux, aussi pressés que le simple chant de ce ruisseau, au bavardage, au mouvement infatigable, éternel. Éternel. Tout avait changé. Des arbres avaient poussé, d'autres arbres avaient péri. Plusieurs cottages du pays n'étaient plus que des ruines. D'autres cottages neufs, aux physionomies inconnues, avaient surgi à leur place. Et sur l'étranger lui-même, sur tous ceux que lui rappelait ce gazouillement, le temps avait accompli son œuvre. Mais le ruisselet bondissait toujours. Il avait toujours ce chant joyeux et plein d'entrain. Que dans des siècles, cette course conserve toute sa folle gaieté, ce murmure bienveillant. Ce sont des choses bénies. Ces ruisseaux écartés qui ne changent pas. Ils nous inspirent le même amour que s'ils étaient des créatures vivantes. Il y a quelque part, dans le monde, un coin verdoyant que moi-même, je ne revois jamais sans verser des larmes involontaires. Larmes que je ne céderai pas contre la rançon d'un roi. Larmes que nul autre son, nulle autre scène ne saurait faire jaillir de leur source. Larmes où s'épanche une affection, un tendre regret que moi seul je connais et qui font de moi, pendant plusieurs jours de suite, un être meilleur. Le voyageur, après s'être arrêté quelques instants, se remit en marche et arriva bientôt en face du vieux manoir. Le jardin avait fini par disparaître sous les herbes sauvages. La haie verdie de mousse était brisée en maints endroits. La maison elle-même était close. Le soleil glissait le long des volets, sans trouver d'ouverture pour pénétrer dans cet intérieur désolé. À une certaine hauteur, au-dessus de la porte jadis si hospitalière, était fixée une planche sur laquelle une inscription annonçait que la maison était à vendre, et informait les visiteurs ou les spéculateurs que pour cela, il fallait s'adresser à un tel avoué d'une ville voisine. Le cavalier poussa un profond soupir et se dit quelques mots à demi-voix, puis, se détournant pour suivre la route qui conduisait à la porte de derrière, il arriva dans la cour, conduisit son cheval dans une écurie vide, traversa les dépendances à demi effondrées, s'arrêtant à chaque instant et se disant quelques phrases mélancoliques sur ces continuels changements qui défigurent toute chose. Une vieille femme, qui lui était inconnue, était la seule habitante de la maison. Elle s'imagina qu'il se présentait pour l'acheter ou tout au moins pour la visiter. Aussitôt, elle se mit à en faire l'éloge, tout en se lamentant de la montrer dans un tel état de dégradation. Notre voyageur l'écouta d'une oreille distraite, mais quand il fut entré dans une certaine chambre, qu'il ne voulait visiter que la dernière, c'était le petit salon où la famille se réunissait d'ordinaire, il se laissa tomber dans le fauteuil qu'occupait toujours le vénérable Lester, et cachant sa figure dans ses mains, il resta quelque temps immobile, sans rien regarder. La vieille femme le contemplait avec surprise. « Peut-être que monsieur connaissait la famille, » dit-elle. « On avait pour eux beaucoup d'affection. » Le voyageur ne répondit pas, mais en se levant, il dit à voix basse comme s'il s'adressait la parole à lui-même. « Non, il ne faut point tenter l'expérience. Je sens qu'il me serait impossible de vivre ici. Il faut que cela soit. Il faut que la maison de mon père passe entre des mains étrangères. » En faisant tout haut cette remarque, il se hâta de sortir de la maison, retourna au jardin, ouvrit une petite porte délabrée qui se balançait sur ses gonds rouillés et qui conduisait dans les verts et tranquilles refuges des morts. Ce même caractère si touchant, cet air de profond repos que l'on remarque dans la plupart des cimetières rustiques et qui était plus frappant celui-là qu'en tout autre, inspira à l'esprit du jeune homme des pensées auxquelles ne se mêlait plus aucun regret. Il franchit les tertres incultes qui recouvraient les restes des morts pauvres et s'arrêta auprès d'une tombe plus haute, mais sans aucun orgueil prétentieux. Elle n'était pas encore flétrie par les rosées et les saisons. La courte inscription qu'elle portait était restée parfaitement lisible, surtout en la comparant à celle des tombes d'alentour. Elle contenait ces mots « Rowland Lester, décédé en 1769 à l'âge de 64 ans. Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. » Le voyageur passa quelque temps dans une contemplation tranquille à côté de cette tombe, et quand il se retourna, la teinte hâlée de ses joues avait disparu. Ses regards étaient troubles. On ne retrouvait plus chez lui le pas élastique du jeune homme dans tout l'éclat de sa force. On ne retrouvait plus cette hardiesse d'attitude que donne l'état militaire. Quand il releva les yeux, il aperçut à quelque distance, à travers la verdure tendre du printemps, une maison grise et solitaire. La cheminée n'exhalait plus de fumée. L'aspect de cet édifice était morne, farouche, désolé, comme dans celle qu'il venait de quitter. On eût dit que la même malédiction qu'avait frappée une des demeures était restée attachée à la seconde. Le voyageur donna un regard hâtif à cette maison solitaire et éloignée, puis il se mit en route en hâtant le pas. Lorsqu'il rentra dans l'écurie, le voyageur y trouva le caporal qui examinait le cheval des pieds à la tête avec une attention minutieuse. « De bons sabots, » disait l'homme en laissant retomber un des pieds de devant. Alors il se retourna et, non sans quelque confusion, il se retrouva en face du possesseur de ce coursier auquel il venait de faire subir un examen consciencieux. « Oh, » dit-il, « je regardais la bête, oui, monsieur, pour m'assurer qu'il n'avait point perdu quelque fer. Et puis je me disais que monsieur aurait peut-être besoin de quelqu'un d'intelligent pour lui faire voir la maison et les dépendances, si vous êtes venu pour l'acheter. Il n'y a ici qu'une vieille femme. Je me permets de croire que monsieur n'aime guère les vieilles femmes. » « Le propriétaire n'est point dans le pays, » dit le cavalier. « Non, monsieur, il a passé la mer. C'était un beau jeune homme, ma foi, et que Dieu me bénisse. Non. » « Ça ne peut pas être. » « Oui, oui, tournez-vous à présent. Mais c'est mon jeune maître. » En disant ces mots, le vieux caporal, dans un élan affectueux, s'avança vers le voyageur, lui prit la main et la baisa. « Ah, monsieur, nous serons bien aises, je vous le jure, de vous revoir après tout ce qui s'est passé. Mais maintenant tout est oublié. Il ne reste plus de traces. Pauvre mademoiselle Éléonore, comme elle sera contente de revoir monsieur. Ah, elle a bien changé, assurément. Changé, oui, je n'en doute pas. Mais est-ce qu'elle a l'air de se mal porter ? Non, monsieur. Quant à ça, vous verrez qu'elle a encore de quoi vous séduire, dit le caporal, en se passant la langue sur les lèvres. Je l'ai vue la semaine dernière quand je suis allé à X, car vous savez, je suppose que c'est là qu'elle demeure toute seule, dans une petite maison, avec une barrière couverte de plantes grimpantes et un marteau de bronze à la porte. C'est au bout de la ville, avec une belle vue sur les collines de X tout en face. Oui, monsieur, je l'ai vue et je l'ai trouvée diantrement belle, quoiqu'elle eût un peu maigri. Mais au bout du compte, elle a bien changé. Comment, en mal ? En mal, oui, monsieur, pour sûr, répondit le caporal, en prenant un air mélancolique et plein de sous-entendus. Elle donne dans la religion. Voyez-vous ça ? Des bêtises, quoi. Ce n'est que cela, répondit Walter, soulagé avec un léger sourire. Et elle vit toute seule ? Tout à fait seule, la pauvre jeune dame, comme si elle avait pris son parti de mourir vieille fille. Et pourtant, je sais bien qu'elle a refusé le Squire Knivehead de la grange. Peut-être qu'elle attend votre retour, dame. Faites sortir le cheval, Bunting. Mais non, attendez. Je suis fâché de vous retrouver avec une béquille. D'où vient cela ? Avez-vous éprouvé un accident ? Non, monsieur, ce n'est que du rhumatisme. Ça peut attaquer les plus jeunes comme les autres. Je n'ai jamais été bien ingambe depuis un certain temps. Mais ça ira mieux l'année prochaine, j'en suis sûr. Je l'espère aussi, Bunting. Et vous dites que Miss Lester vit toute seule, n'est-ce pas ? Oui, mais comme elle donne dans la dévotion, les pauvres la vénèrent au dernier point. Elle fait du bien de tous les côtés. Tenez à moi, elle m'a donné une demi-couronne, monsieur. C'est une excellente jeune dame. Elle a si bon cœur. Je vous remercie. Je peux serrer les courroies. Oui, comme cela. Tenez, Bunting, voilà pour vous souvenir de votre ancien camarade. Bien obligé, monsieur. Vous êtes trop beau. Vous avez toujours été comme ça. Mais maintenant, j'espère que monsieur viendra demeurer ici. Ça égayera de nouveau l'endroit. Non, Bunting, je crains que cela ne soit pas possible, dit Walter en éprenant son cheval pour franchir la porte de la cour. Et bonjour. Ah, mais, dit le caporal en faisant un effort qui le mettait hors d'haleine pour rejoindre le jeune homme. Si c'est décidé que je ne dois plus vous revoir, c'est une affaire importante qui me regarde. Vous vous rappelez la promesse que vous m'avez faite au sujet de ce champ de pommes de terre ? L'intendant, maître Bailey, que le diable l'emporte, il l'a tout à fait oublié. Toujours le même, notre Bunting, n'est-ce pas ? Eh bien, soyez tranquille, j'y donnerai ordre. Que Dieu bénisse votre bon cœur, monsieur. Je vous remercie et... reprit le caporal en mettant la main sur la bride. Monsieur avait bien voulu ajouter que je ne paierai pas de loyer pour ce petit bout de terre. Vous savez, monsieur, continua-t-il avec un sourire, il peut se faire que je prenne femme un jour ou l'autre, que j'ai une nombreuse famille et... payer un loyer ne nous mettrait guère à l'aise, n'est-ce pas ? Lâchez ma bride, Bunting, et regardez-vous comme exempt de payer un loyer. Oui, monsieur, et... Mais Walter avait pris un trop rapide, de sorte que le caporal en fut pour ses frais, et ses nouvelles demandes se perdirent dans l'air. Tout de même, j'ai fait de bonnes besognes, se dit-il en manière de consolation. Quel blanc-bec que ce garçon-là ! Jamais il ne connaîtra le monde, non ? Walter chevaucha 2 heures sans ralentir son allure, et au bout de cette course, à la descente d'une petite colline, il se trouva tout près d'une petite ville d'aspect champêtre. Le soleil en éclairait encore l'unique clocher, ainsi que l'unique rue, longue et droite, avec des jardins qui s'étendaient, suivant la bonne vieille coutume, en arrière de chaque maison. Çà et là, d'autres cottages étaient dispersés. On eût dit qu'il regardait curieusement à travers les interstices de la verdure qui les cachait, et qui se couvrait déjà des fleurs du jeune printemps. Il entra dans la cour de la principale hôtellerie, et donnant à un domestique la bride de son cheval, il s'informa, d'un ton qu'il croyait indifférent, de l'endroit où était située la demeure de Miss Lester. « Jean, » dit l'hôtelière, car il n'y avait pas d'hôtelier, en appelant un jeune garçon d'environ 10 ans, « dépêche-toi, et va montrer au gentleman où demeure cette bonne dame et... Attendez, monsieur voudra bien m'excuser pour un moment ?» Juste le temps d'aller chercher le bouquet que tu as coupé pour elle ce matin. Elle aime les fleurs. Oui, monsieur, quelle excellente personne que cette jeune demoiselle Lester, reprit l'hôtelière. Quand l'enfant fut revenu avec le bouquet, elle est si charitable, si douce. L'adversité, à ce qu'on dit, adoucit le caractère à certaines gens. mais elle a dû être toujours bonne. Et puis, si religieuse, voyez-vous, malgré sa jeunesse. Oui, que Dieu la bénisse. C'est ainsi que tout le monde doit dire. Mon petit Jean? Monsieur, il n'a pas encore 11 ans. Il les aura au mois d'août prochain. C'est un petit garçon plein d'esprit. Il ne l'appelle que sa bonne fée. C'est toujours comme cela que nous la nommons ici. Viens, Jean. C'est très bien comme ça. Vous vous arrêtez pour dîner, monsieur? Faut-il tuer un poulet? La demeure de Miss Lester était située à l'autre bout de la ville. C'était la maison où son père avait passé ses derniers jours. Elle avait continué à l'habiter, quand il lui avait laissé par sa mort un petit revenu, et Walter, alors à l'étranger, avait trouvé moyen de lui persuader de l'accroître quelque peu. C'était une petite construction isolée de tous les côtés, à peu de distance de la route. Walter s'arrêta quelques instants devant la porte du jardin et regarda autour de lui avant de suivre son jeune guide. Celui-ci franchit en courant l'allée sablée qui conduisait à la porte d'entrée. Alors il tira la sonnette et demanda si Miss Lester était chez elle. Le jeune homme fut laissé seul quelques instants dans un petit salon. Il en fut bien aise, car il lui fallut le temps de se remettre de l'émotion violente que lui causait le passé, dont les souvenirs l'assaillaient en foule. Puis, ce fut Éléonore elle-même qui l'eut devant les yeux. Changée, elle l'était certainement. La fillette s'était épanouie en une belle jeune fille. Changée, elle l'était sans doute. L'élan n'animait plus son pas auquel jadis l'espérance donnait une rapidité élastique. La vivacité de ses yeux noirs, jadis immobiles, s'était atténuée en un éclat doux et calme. La richesse de son teint avait fait place à une nuance éclatante, quoique d'un charme égal, et nous ne saurions mieux faire que de la décrire ainsi. Et les années s'étaient écoulées quand ils se revirent. Depuis cette époque, le vent avait balayé les fleurs. Sur sa joue fraîche s'étendait une teinte plus pâle. On eût dit que la rose blanche avait vaincu la rose rouge. Désormais, elle ne s'élançait plus d'une course triomphante. Léger, son pas l'était toujours, mais non sans quelque langueur. Désormais, son esprit ne franchissait plus les obstacles. Elle restait immobile, comme Hébé, répandant autour d'elle ses sourires. « Éléonore, dit Walter d'un ton mélancolique, nous nous retrouvons enfin. Cette voix, cette figure, mon cousin, mon cher, mon bien cher Walter. » Toute réserve, toute conscience avait disparu dans le plaisir de ce moment. Éléonore appuya sa tête contre l'épaule de Walter et sentit à peine le baiser que celui-ci déposa sur les lèvres de sa cousine. « Vous avez été absent bien longtemps, » dit Éléonore d'un ton de reproche. « Mais ne m'aviez-vous pas dit vous-même que le coup qui avait frappé votre maison avait chassé de votre âme toute pensée d'amour, nous avait séparés pour toujours? Mais qu'était pour moi l'Angleterre et la maison sans vous, Éléonore ?»« Ah !» dit Éléonore en reprenant possession d'elle-même, pendant qu'une pâleur visible succédait à la rougeur de plaisir qui avait envahi ses joues. « Ne faites pas revivre le passé. Pendant de longues années que j'ai vécu dans la solitude et la désolation, je me suis efforcé d'échapper à ces sombres souvenirs. » « Vous parlez sagement, ma chère Éléonore. Mais aidons-nous mutuellement à atteindre ce but. Nous sommes seuls au monde, unissons nos destinées. Jamais dans tout ce que j'ai vu et éprouvé, soit dans la veillée au camp pendant les nuits étoilées, soit dans la splendeur des cours ou dans les bocages ensoleillés de l'Italie ou dans les noires forêts du Harz, jamais je n'ai cessé de songer à vous, ma chère cousine. Votre image s'est entrelacée d'une manière indissoluble à tout mon idéal de bonheur et de foyer, d'avenir tranquille et paisible. Et maintenant, que me voilà de retour, et que je vous vois, combien vous avez changé, mais pour devenir plus charmante. Ah, ne nous séparons plus. Un consolateur, un guide, un soutien, un père, un frère, un époux. Mon cœur me dit tout bas que je pourrais être tout cela pour vous. » Éléonore détourna la tête, mais son cœur débordait. Les années de solitude qu'elle avait vécues depuis leur dernière entrevue reparurent devant elle. La seule image vivante qui se fût mêlée pendant ces années au souvenir de ceux qui étaient morts, c'était celle de l'homme qui était à genoux devant elle, son seul ami, son seul parent, son premier et unique amour. Dans l'univers entier, il était le seul avec lequel elle put parler du passé, en qui elle put trouver le repos de ses affections brisées, mais toujours vivantes. Et Walter reconnut à cette rougeur, à ses larmes, qu'il était resté l'objet du souvenir, l'objet de l'amour, et qu'enfin, sa cousine était à lui. Épilogue. Avant de terminer, dit mon ami à qui j'avais montré les pages qui précèdent, avant de finir, il faut conclure suivant les règles orthodoxes de la bonne vieille méthode. Il faut nous dire quelques mots sur le destin des autres personnages qui ont figuré dans votre récit. Parlez-nous d'abord de ce scélérat, de Haussmann. Il est vrai que l'enchaînement mystérieux des choses humaines avait laissé échapper ce vilain personnage, alors qu'il avait retenu et condamné son complice, une créature d'un ordre plus élevé, qui avait fini par le repentir. Mais quoique Haussmann n'ait point péri de mort violente, bien qu'il soit mort dans son lit, comme les honnêtes gens, nous aurions peine à croire que son existence n'ait pas été elle-même sa punition. Il vécut dans un isolement complet, gagnant sa vie à tailler du lin. La populace essaya maintes fois de le mettre à mort, car il était pour tous un objet de haine et d'horreur, et même 10 ans plus tard, quand il mourut, il fallut l'enterrer secrètement, au milieu de la nuit, car la haine de tous lui survécut. Et le caporal a-t-il fini par un mariage tardif? L'histoire parle d'un certain Jacob Banting, auquel sa femme, plus jeune que lui de beaucoup d'années, joua main tour pendable avec le jeune curé de la paroisse, le dit Jacob Banting n'ayant pas l'ombre d'un soupçon au sujet de ce qui se passait. Du reste, il faisait beaucoup rire ses voisins et ses connaissances, en se vantant de savoir vendre la volaille au révérend et de la lui faire payer beaucoup plus cher qu'au marché. « Ma petite Bessie, disait-il à sa femme, tu as un mari qui sait son affaire. » Bon, voilà Walter marié à sa cousine, mais vous n'avez pas tout dit. Est-ce qu'ils retournèrent habiter le vieux manoir? Non. Les souvenirs qui ne sont associés qu'à des objets simplement affligeants perdent peu à peu de leur amertume et sanctifient les lieux qu'ils hantent. Mais il n'en est pas ainsi des souvenirs enchaînés à des événements qui aspirent l'horreur, l'effroi, parfois même une sorte de honte. Walter vendit la propriété, non sans éprouver des regrets fort naturels. Après son mariage, il voyagea quelque temps au loin avec Éléonore, mais il finit par s'établir en Angleterre, où il adopta un genre de vie actif. Il laissa à sa postérité un nom qu'elle porte encore avec honneur, et à son pays le souvenir de quelques services qui ne seront pas oubliés. Mais il garda toujours l'impression sombre et terrible que les événements avaient faite sur son âme, et cette impression exerça la plus puissante influence sur ses actes, dont elle devint le motif. En toutes circonstances, en toute tentation, il voyait se lever devant lui le destin de cet être si brillamment doué, si noble sous tant de rapports, si bien formé pour être grand bien des choses, et qu'un crime avait anéanti, pendant qu'il raisonnait profondément sur la vertu. Ce destin lui révélait les plus noirs mystères de notre nature, les vraies bases de la morale, lui enseignait 2 choses à la fois, d'abord l'art de se tenir en garde contre lui-même, et ensuite, la bienveillance envers autrui. Il savait depuis cette époque que le criminel n'est pas absolument mauvais, que l'ange qui habite en nous n'en sort pas facilement, qu'il survit à la faute, que dis-je, à bien des fautes, et nous laisse parfois dans l'étonnement à la vue de ces traces de bien qui persistent autour du cœur des scélérats les plus endurcis. Maintenant, dit mon ami, je suis satisfait. Et voilà votre récit terminé, selon les règles de l'art. Ainsi s'achève Le maître d'école assassin par Edward Bulwer-Lytton.